Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Sakar, la chaleur brûlante de l'enfer ».